shibushi busha Veta de yo chipa wolo Yo waise pali kuyola Yo chikel patali kola Kushi kushi kushi kusha Veta de yo berpa wala Yo waise pali fwase Yo chikel aperase Lelite pali late Yo chikel afetete Le lit n'est pas les latins, yo dit que la fête était. Grisos sont patato, voulez-vous danser? Maïda liga et l'ovie, notez que l'ovie, en chèque moi mes pères, moi parler tout le temps. Kouchi kouchi, aïe koucha, aïe koucha, aïe koucha, parler latin, pas parler créole, moi parler anglais. Moi pas l'espagnol, pas les chinois, moi concha, concha, concha, concha, aïe concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, Moi parle chinois, moi parle anglais, moi parle espagnol, moi parle créole, moi concha, concha, concha, concha, aïe concha, concha, concha, concha, aïe concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, concha, malgré, malgré. C'est Jean-Paul. Chip, chip. C'est Jean-Paul. Oh, oh. Et pas pour ça que m'est mouillé. C'est Jean-Paul. Et pas la neige. Moi-même parler latin, parler chinois.